Achille Mélandry, La Halle au baiser. L'enfant Dieu qui préside au tendre rendez-vous, prenant ma main, me dit « Madame, voulez-vous venir visiter mon royaume ?»« Partons ?» Et nous voici dévorant les chemins rapides pour parler la langue des humains comme des chevaux d'hippodrome. Laissant bien loin de nous la grande ville, Paris, nous volions, escortés par les jeux et les ris, les pleurs aussi prêts à s'épandre. Je sentais que mon cœur battait en désarroi, alors que, suspendu au bras du joli roi, j'entrais dans le pays du tendre. « Regarde, dit Héros, c'est la halle au baiser. Lorsque l'on sent des désirs l'un par l'autre aiguisés, on y vient. J'ai pour chaque peine un baiser spécial plus doux que le velours, caressant et léger, fine fleur des mamours. Tu vois, ma demeure en est pleine. Or, va, tourne, reviens et circule à loisir. Grappille, chipe, prends, c'est à toi de choisir. Tu peux piller mes étalages. Règne pour tout un jour, à toi l'avide essaim, avec leurs aiguillons s'abattant sur ton sein, des caresses folles ou sages. À toi le bec béant, qu'au jour du renouveau la colombe amoureuse offre à son tourtereau, le doux bacio d'Italie, le kiss anglais, si long qu'on meurt en le donnant, et celui qui ravit l'insecte bourdonnant à la rose de mes jolies. Il avait disparu. Je m'avançais d'un pas, hélas, je crus marcher au-devant du trépas. Sifflant comme un nœud de vipère, je vis, dragon gardien du seuil éblouissant, le baiser de Judas, horrible, se dressant, et le baiser des belles-mères. J'eus peur, il en venait par les quatre chemins, de toutes les couleurs, solennel baise-main, des galantins faisant la roue, baiser d'amour vendu, honteux d'un tel affront. Baiser d'amis, baiser de prêtre sur le front, baiser de frère sur la joue. Celui que la promise accorde aux fiancés, un baiser tout de blanc et d'azur nuancé, couleur de ciel et de nuages, m'apparut, évoquant à mes yeux attendris les serments emportés par les Andes effleuries. Doux rêve passé, ô mirage. À côté, j'admirais, teint d'un rose éclatant, le baiser alangui, fiévreux, inquiétant, qui s'attarde, revient, lutine. Lorsque, la marguerite étoilant les prés verts, Musette, en folâtrant, découvre le revers de sa robe de mousseline. Et tout auprès, je vis les baisers empourprés, plus rouges que les plis des étendards sacrés ou que la robe des cerises, plus rouges que la mer au baiser du soleil, plus rouges que la rose ouvrant son cœur vermeil, pâmé aux caresses des brises. Or, comme je frôlais leurs doux nids apaisés, voilà que j'ametais ces essaims de baisers, vrai réveil d'oiseau à l'aurore, car, me couvrant partout, avec de jolis bruits, d'un vol audacieux tous ces croqueurs de fruits semblaient crier « Encore, encore !» Espérant échapper, je courus me blottir dans un coin où venaient chanter et retentir de vieux airs enfantins et mièvres. Aux surprises, au bonheur, j'étais chez les bébés. Leurs gros baisers offerts et jamais dérobés, tout joyeux, me sautaient aux lèvres. « C'est à toi de choisir, avait dit Cupidon. Mon choix est fait. Messieurs, je demande pardon pour la fin de cette équipée. Mais de tous les baisers, certes le plus charmant, c'est celui que bébé garde pour sa maman, et puis celui de sa poupée. »